British Connection, avec vous depuis 1982. You rock! All transmitters to full. All receivers to boost. This is London calling. This is London calling. Salut à tous, nous sommes The Yen et notre album Verdure sera album de la semaine dans la prochaine session de British Connection avec Philippe. British Connection. Samedi soir, on se déhanche jusqu'au dimanche. On se dégonde, on se dévergonde, on se caresse comme une promesse. On se triture, on force des serrures, on trouve chaussures, on se vidange, on se mélange, on se fait du bien, ça finit toujours mal. Au mieux, on s'éteint tout seul sur un lit d'hôpital. On voudrait que ça cesse, on serait même prêt à crever pour le temps d'une journée, mais ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. Alors de zéro, on repart de la case départ. À plus blairer les miroirs, on se fait violence. On fait vol l'abstinence, on n'est pas si mal tout seul. Tout le temps à tirer la gueule, et partout où l'on va, on ne peut s'empêcher de continuer à chercher, continuer à chercher. Un instinct débile qui nous pousse au centre-ville, et c'est reparti pour un tour. On voudrait que ça cesse, on serait même prêt. Salut, c'est Gérard de Cyclope. Alors bonjour à tous, je voulais vous parler un petit peu de notre groupe qu'on a fait dans les années 80. On avait commencé par une reprise d'Edith Piaf sur le premier album qui avait pas mal marché, en fait on peut dire. Il y a eu un clip qui est passé beaucoup en télé, beaucoup de radios l'ont diffusé. Ensuite on a enchaîné avec 7 albums jusqu'aux années 2000. Et voilà quoi, c'était une belle aventure. Il y avait deux frères et moi, Gérard, qui étaient à la guitare. Respectivement, ils étaient Didier à la batterie, Philippe à la basse. Tout le monde chantait un petit peu, moi un peu plus que les autres, voilà. Et c'était une belle aventure en ce sens qu'on a pu aller beaucoup jouer à l'étranger, donc pour nous c'était inespéré quand on est un groupe français qui chante en français, d'aller jouer au Pérou, on a fait un album de platine, une scène de 45 000 personnes tous les soirs, où les gens venaient que pour nous. Ça c'était vraiment un truc, même dans nos rêves les plus fous, on s'imaginait pas aller plus loin que la MJC de notre coin, quoi. Et on a pu aller jouer au Vietnam, en Inde, une grosse tournée en Afrique, océan Indien, moi j'en passe, Roumanie, Allemagne, Suisse, Belgique, il y a eu plein de concerts à l'étranger, donc c'était, on était un peu le seul groupe français à aller jouer aussi loin et dans autant de pays, on peut dire. Voilà, on va s'écouter un morceau du deuxième album, c'est « J'ai compris ma douleur ». En exclusivité, uniquement dans British Connection. British Connection. Voilà, c'est de nouveau Gérard de Cyclope. Eh bien, je vais vous raconter une petite anecdote sur le groupe. Voilà, quand on a commencé, en fait, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ce qu'on a maintenant pour communiquer, chercher des musiciens. Et donc, on avait du mal à trouver un chanteur. On passait des petites annonces dans les magasins de musique de Paris. Voilà, et on a eu un défilé d'énergumènes, de gens très, très bizarres. Et un jour, on en a un qui vient, qui nous dit « Oui, voilà, jouez-moi un morceau, vous allez voir. » Très bien, on dit « Qu'est-ce que tu veux ?» On lui dit « Bon, ben, un morceau de Rolling Stone, ok, bon, ok, on y va. » On lui fait, je crois, « Jumping Jack Flash ». Puis le gars, en fait, ne chante pas tout de suite, il se met d'abord à gesticuler et tout, puis il commence à... Alors nous, on joue, on arrive au refrain, il chante toujours pas, puis il gesticule de plus en plus, il se met vraiment à danser, mais vraiment un truc... un jeu de scène terrible, mais sauf qu'on est dans une petite cave de rien du tout, quoi. C'était bizarre. Et on fait deux couplets, deux refrains, on arrive à la fin du morceau, et il arrête pas de gesticuler, de bouger dans tous les sens. En fait, il veut peut-être nous montrer qu'il était un deuxième Mick Jagger, je sais pas. Et on arrête la musique et il nous fait « En fait, là, je suis plus danseur que chanteur. » Et la grosse déception, on s'est dit « On trouvera jamais un chanteur, c'est pas possible. » Et c'est depuis ce jour-là qu'on s'est dit « On va essayer de chanter nous-mêmes. » Et on s'est retrouvés en trio à chanter tous les trois. Quoi, voilà. Et là, je vous propose d'écouter un morceau qui s'appelle « One Story ». C'est un truc qui se passe sur le troisième album. Voilà. Par hasard, si je dois m'en aller seul dans la nuit. émission rock qui passe ce qu'on n'entend pas sur les radios rock. Hello, c'est toujours Gérard de Cyclope. Eh bien, voilà, je vais vous parler un petit peu de l'actualité du groupe. Plus vraiment d'actualité parce qu'on n'est plus créatif comme on a pu l'être. On n'a pas fait d'album depuis longtemps. Mais on a envisagé de se reformer, de faire quelques concerts. Donc ça peut être sympa. Venez nous voir si vous voyez une affiche près de chez vous. On passera un bon moment ensemble, j'en suis sûr. Voilà, avec le confinement, on n'a pas pu se reformer. Donc, parce que le projet était à la base... C'était en février, on avait décidé de faire des répétitions, de repartir un petit peu sur scène. Donc là, c'est remis à au moins 2021, bien sûr. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube, il y a plein de vidéos, live ou des clips aussi, vous pouvez voir sur YouTube. C'est le plus simple. Après, il y a des liens pour aller sur des sites, vous pouvez voir plein d'articles de presse, des photos, des machins, voilà. Maintenant, on va s'écouter un morceau qui est extrait de l'album live qu'on a fait entre la fin des années 80 et les années 90, ça s'appelle Live autour du monde. Le morceau s'appelle Guerrier de la route. En exclusivité, uniquement dans British Connection. Didier Austri, Tom. Bah, Gérard Cousin, Cachetien, Guitarli. Un jour meilleur, je te pars une nouvelle vie pour moi. Pourquoi pas? Un jour ailleurs, je te pars une fiancée très belle. Pourquoi faire un jour meilleur, je te pars une nouvelle vie pour moi. Pourquoi pas? Ailleurs, sur ce train qui s'enfuit au loin, sans toi, c'est pas grave. Un jour meilleur, ce bateau qui s'ennuie déjà, sans toi, même erreur. Je suis guéri de la route, je n'irai pas plus loin. Je suis guéri de la route, je n'irai pas plus loin. Je suis guéri de la route. Je ne me sens pas bien chez vous, dommage, je reparais un jour meilleur. Je vous quitte au petit matin, crevé, un peu déçu. Un jour ailleurs, sur ce train qui s'enfuit au loin, sans toi, c'est pas grave. Un jour meilleur, tu cherches une nouvelle histoire, ratée, nouvelle ville. Je suis guéri de la route, je n'irai pas plus loin. Je suis guéri de la route, je n'irai pas plus loin. Je suis guéri de la route. Ces belles anecdotes fort sympathiques et surtout ces morceaux en exclusivité pour British Connection Si vous voulez retrouver le groupe Cyclope, vous pouvez lire sur l'internet, évidemment, groupecyclope.fr. Il y a sur Facebook, il y a également une superbe page qui est tenue par mon ami Manu qui s'appelle Cyclope Fan Page. Allez-y, sans modération. Ce que vous allez entendre maintenant, jamais vous ne l'avez entendu. Sergent Tobogo, décorateur de t-shirts, propose son classique de chez Classique du Rock. Sergent Tobogo vous propose des créations originales et humoristiques sur t-shirt pour tous les goûts, musique, rock, série, cinéma, etc., etc. Sergent Tobogo vous offre le t-shirt British Connection. Il l'a confectionné, fabriqué, il est superbe. Vous laissez simplement vos coordonnées en message privé sur la page British Connection Facebook. Il y aura un tirage au sort à la fin de cette émission. Et Sergent Tobogo vous offre 10% avec le code British Connection, si vous avez sur leur site, et commandez vos t-shirts, ils sont superbes. Visitez également leur page Facebook. Eh bien, Sergent Tobogo vous propose le classique de chez Classique du Rock avec pas des moindres. Ce serait peut-être le classique de chez Classique, de chez Classique, de chez Classique. C'est ce cher Ian Dury avec le titre bien connu, évidemment, Sex, Drug and Rock and Roll. Sex and drugs and rock and roll is all my brain and body need. Sex and drugs and rock and roll. It's very good indeed. Keep your silly ways or throw them out the window. The wisdom of your ways, I've been there and I know lots of other ways. Jolly bad show. If all you ever do is business you don't like. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll is very good indeed. Every bit of clothing ought to make you pretty. You can clothing, grey is such a pity. I should wear the clothing of Mr. Walter Mitty. See my tailor, he's called Simon. I know it's going to fit. Here's a little bit of advice, you're quite welcome, it is free. Don't do nothing that is cut price, you know what they'll make you be. They will try their tricky device, trap you with the ordinary. Get your teeth into a small slice, the cake of liberty. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Dans British Connection, votre émission rock qui passe ce qu'on n'entend pas sur les radios rock, et je tenais à vous remercier pour votre fidélité. Chaque semaine, vous m'envoyez de nombreux mails, de nombreux messages sur la page Facebook de l'émission, via le site de la radio. Merci, merci, merci à vous tous, et puis courage dans ces moments très compliqués qui sont durs à tous les points de vue, tout le monde est impacté et vous avez mon soutien, allez, il est ce qu'il est, mais au moins moral, en écoutant British Connection, évidemment. Alors, Alicia Fiorucci, vous l'avez écouté la semaine dernière, son 45 tours est sorti il y a quelques temps, avec I Foot de l'eau, rappelez-vous, reprise des Clash. Là, je vous propose d'écouter la face B, My No Generation, avec aux commandes quand même, et à ses côtés, Tony Marlowe, qui est auteur, compositeur, interprète, qui avait fait beaucoup de choses pour le rockabilly. Allez, voici extrait de son 45 tours, My No Generation. 1, 2, 3, 4 Connection, l'émission rock vous propose l'album de la semaine. Découvrez trois titres d'un groupe que les autres radios ne prennent pas le temps d'écouter. Deuxième partie de cet album de la paix de la semaine, il s'appelle Talia. Voici Rose on Parade. Bazooka Porn, c'est celle qu'on a mis le moins de temps à écrire et à enregistrer. Il fallait que ce soit rapide, quoi, tout. L'écriture, l'enregistrement, il fallait que tout soit rapide. Enfin, et vite, quoi. J'ai attrapé une basse, mis de la disto, de la fuzz, et voilà, le morceau est parti comme ça, on a fait tout en une prise. On s'attendait pas à ce que les gens nous en parlent autant. Mais on nous dit souvent que c'est un des moments forts de l'album. Yeah!